Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. En archéologie, deux livres sont incontournables, deux ouvrages clés, voire fondateurs de notre discipline anthropologique. Le voleur de temps de Tony Hillerman, roman policier à la recherche des Anasazis, et Pourquoi j'ai mangé mon père, paru voici 54 ans, sous la plume de Roy Lévis et traduit par Vercors. Un troisième vient probablement de voir le jour, aux auditeurs de France Culture d'en décider. Son auteur, Marilène Patoumatis, bonjour. Bonjour. Préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, vice-présidente du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, vous êtes une spécialiste du paléolithique moyen. Vous vous penchez surtout sur le comportement des hommes, l'éthologie humaine, notamment chez un de nos cousins, l'homme de Néandertal. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un petit livre dans la veine de celui de Roy Lévis et qui prend le contre-pied de 150 ans de préhistoire, Madame de Néandertal. Après de nombreuses publications scientifiques, mais aussi touchant un large public, après un film, A.O., vous vous lancez aujourd'hui dans le roman préhistorique. Marilène Patoumatis, un moyen d'aller au-delà du strict champ scientifique, de dire ce que l'on pense ? Oui, je pense que c'est une façon d'aborder cette question de nos origines et de nos ancêtres, à mon avis, qui est porteur, parce que les ouvrages très sérieux, souvent, malheureusement, sont lus que par quelques personnes. Et grâce donc à Pascal Leroy, parce que la plume, évidemment, c'est ma co-auteure, et sans elle, il n'y aurait pas le sel de ce livre, parce que c'est elle qui sait mettre justement de la chair sur les os, qui sait donner vie, redonner vie donc à ces hommes, et vraiment, avec Pascal, c'est vraiment quelque chose qui a été formidable parce qu'elle a pu faire passer certaines de mes idées, mais elle a aussi fait passer une certaine modernité. Et c'est cette modernité qui peut toucher, qui peut amener d'autres lecteurs. Parce que notre objectif, Pascal et à moi, c'est aussi d'emmener avec nous d'autres personnes qui ne viendraient pas à des conférences sur la préhistoire ou qui n'iraient pas des livres trop sérieux. Et après, peut-être après cette lecture, d'aller voir plus loin, d'aller peut-être à des sources un petit peu plus austères. Mais je crois que c'est une façon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui nous importait beaucoup à Pascal et moi, c'est aussi de montrer la modernité de certaines choses. Pourquoi nous n'aurions pas le droit, nous, parce que nous sommes des archéologues, des préhistoriens, de mettre en scène, comme mettent en scène des historiens, par exemple, quand ils font rencontrer dans l'intimité Henri IV et la reine Margot, ils n'étaient pas là non plus pour entendre ce qu'ils se disaient. Donc je crois que là aussi, c'était une façon de moderniser un petit peu la vision un peu archaïque de la préhistoire. Voilà, c'est pas parce que nous sommes des préhistoriens que nous sommes des préhistoriques. Et encore, je dirais, les préhistoriques ne sont pas les préhistoriques qu'on voyait au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis, pour toucher ce public, on vous a vu aussi contribuer à A.O., ce film donc autour de cette rencontre entre Néandertal et l'homme moderne, c'est bien ça ? Bien sûr, parce que le cinéma c'est très encore important. Un autre moyen de toucher un large public. D'autres s'y sont essayés justement à ce roman. Francis Carsac, écrivain de science-fiction, n'était autre que le fameux préhistorien François Borde, totalement tombé dans l'oubli, du moins pour la science-fiction, toujours très présent pour les préhistoriens. Oui, c'est un grand préhistorien qui a apporté vraiment une énorme contribution, notamment il était spécialiste de l'industrie lithique. Et de votre période, justement. De ma période, exactement. Et il voyait beaucoup dans le sud-ouest. C'est pour ça que c'est Carsac, hein, c'est un village en Dordogne. Et donc voilà, oui, il a essayé. Et puis je pense qu'il y en a d'autres qui écrivent. Et je crois que c'est un bon moyen. C'est aussi un moyen, peut-être, même pour nous-mêmes, c'est-à-dire de se poser en disant, puisque ça reste du domaine du possible, pourquoi pas ? C'est une hypothèse parmi d'autres. Voilà, certaines situations, on peut très bien les envisager, puisqu'elles sont plausibles. Bon, elles ont réel ou pas, elles se sont passées ou pas, mais peu importe, ça où c'est le champ des perspectives et des possibles est ouvert. Ce que nous allons raconter, c'est cette rencontre entre deux groupes humains, Néandertal et Cro-Magnon, le first contact qui se déroule quelque part en Europe. Il y a combien de temps exactement, Marilène Patoumatis? Alors, je pense qu'il faut faire attention. Si on parle de l'Europe, c'est clair que c'est à peu près vers 43-45 000 qu'arrivent les premiers hommes modernes en Europe, hein, puisque les Néandertaliens sont là depuis à peu près 350 000 ans. Ils occupent toute l'Europe. Et d'un seul coup, vers 43-45, c'est les sapiens arrivent donc en Europe. Mais je pense que la rencontre potentielle a été possible avant, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des Néandertaliens qui ont été, en tout cas, les anthropologues attribuent à des Néandertaliens, des squelettes qui ont été trouvés donc, dans des sites, que ce soit en Irak, en Palestine, donc de 100 000 ans, 120 000 ans, des groupes Néandertaliens qui seraient allés donc, au Proche-Orient. Et donc là, en plus, quand ils sont allés, on a des sites qui montrent qu'il y a en même temps ce qu'on appelle des proto-sapiens, c'est-à-dire déjà des proto-cro-magnons quelque part. Et donc il est possible que déjà, il y a eu, en tout cas il y avait aussi ce partage du territoire. Hein. Et donc ça c'est intéressant, peut-être que là ça s'est passé à ces moments-là. Et d'ailleurs la génétique nous montre qu'effectivement, puisque nous savons depuis le fameux papier de mai 2010 qui est resté célèbre dans les mémoires, que les Eurasiatiques, nous avons entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Et que non seulement c'est ça, mais qu'en plus, contrairement à l'attente, ça ne s'est pas fait en Europe, mais donc justement à la sortie du Proche-Orient, peut-être en Anatolie, vers 70 000 ans, donc bien avant l'arrivée des sapiens en Europe. Donc ça, c'est intéressant. Il y a peut-être déjà eu, à ce moment-là, probablement eu des rencontres, mais pas en Europe. Si j'ai bien compris, les Néandertaliens sont strictement européens et très tôt vont aller au Proche-Orient. On les retrouvera dans les grottes de Kafsé ou Kiraba. Les hommes modernes sont strictement proche-orientaux et vont conquérir plus tard l'Europe. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je pense que ces sapiens, si vous voulez, sont partis du Proche-Orient déjà... bien avant, on voit tout de suite 43-45 000 ans qu'ils arrivent chez nous dans les Balkans. Hein. Pour l'instant, c'est les sites plus anciens. Mais je pense qu'ils sont, ils sont venus de par ce chemin d'Anatolie, etc. Et là, vous savez, quand on regarde la carte, on voit très bien qu'il y a deux possibilités. Soit on va aller à gauche, c'est-à-dire on va aller justement vers l'Europe occidentale, entre guillemets. Soit on peut aller à droite, c'est-à-dire qu'on peut remonter vers la Sibérie. On peut remonter, voilà. Et c'est pour ça qu'on trouve, il y a des sites formidables, ou en Ouzbékistan, je travaille sur un site qui est extraordinaire, où là, on a des choses très très mitigé entre à la fois est-ce que c'est encore Néandertal, est-ce que c'est Sapiens vers 60 000 ans. Donc il se passe plein de choses à ce moment-là. Et je crois que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a peut-être eu des rencontres plus fréquemment qu'on ne le pense. En tout cas, vous œuvrez beaucoup à la réhabilitation des Néandertaliens. Cro-Magnon, c'est nous, Néandertal, c'est par essence l'autre, un objet de fantasme pour les préhistoriens. Oui, moi je pense que c'est. Je pense qu'on a, on a vécu pendant très longtemps avec l'image qui avait été formée donc au 19e siècle hein, par nos prédécesseurs préhistoriens qui œuvraient à l'époque et qui, bien entendu, est à remettre dans leur siècle. Hein. C'est-à-dire qu'au 19e, évidemment, la vision était une vision tout à fait. Basé sur une évolution unilinéaire et progressive de l'humanité. Donc tout ce qui était ancien était moins bon forcément que ce qui était le plus récent, le plus moderne. Et donc tout a joué. Et c'est pour ça que dans ce roman, avec Pascal Leroy, on a voulu vraiment, là aussi, se permettre l'audace de dire « mais ils sont extrêmement modernes, ils n'ont pas cette caricature, pourquoi voulez-vous ? Rien ne prouve au niveau archéologique que ce sont des singes qui descendent leurs arbres. » Je veux dire, ils ont un savoir-faire hein, et des savoirs considérables. Quand on voit rien que la technique de taille des outils, je pense que tout ça était à remettre justement en perspective. Et le fait de faire dans ce roman, ça permet justement d'aller jusqu'à dire ils sont quasiment modernes, ils sont comme nous. En tout cas, parce que nous sommes, nous, issus du Jardin d'Éden, aucune parenté n'a été longtemps possible entre lui et nous. Et oui, il y a une sorte de blocage. Moi, aussi. Je crois qu'il y a eu très longtemps, mais même encore maintenant, vous savez, c'est encore difficile, bien qu'il y ait vraiment maintenant, je pense, beaucoup, beaucoup d'arguments scientifiques qui font que Néandertal, quand même, a perdu un peu de cette image simiesque. Mais il faut toujours lutter. C'est vrai que c'est parce que nous avons l'impression que nous sommes l'aboutissement, n'est-ce pas ? Nous sommes la plus belle créature sur Terre. Et je pense qu'il y a eu vraiment tout ce travail basé sur quand même des faits archéologiques qui ont fait un peu changer cette image. Mais comme c'était une image populaire, elle était extrêmement ancrée, même chez tous les gens qu'on peut croiser dans la rue, on leur demande qui est Néandertal, ils vont savoir qui est Néandertal. La seule chose, c'est qu'ils vont peut-être pas le décrire comme nous, on le souhaiterait. Et donc, il est très populaire. Et sa popularité, donc là aussi, nous a permis, dans ce récit qu'on a voulu faire, de montrer que bon, ça aurait pu être voilà, une copine. C'est-à-dire que Madame de Néandertal, en plus, quand même, la femme, c'est très important. Et je pense qu'elle a souvent été négligée, là aussi, même dans les études de la préhistoire. Voilà. Est-ce que l'on ne peut pas dire que la génétique, la paléogénétique, a été d'un seul coup révolutionnaire, un véritable choc dans le monde de la préhistoire ? Moi, je pense que c'est évident. C'est-à-dire que là... Certains n'y ont pas cru, n'y croient pas encore, d'ailleurs. Oui, mais vous savez... Il y a toujours des réfractaires. Mais moi, je pense que c'est quand même très important parce que, vous savez, j'ai toujours été très craintive puisque j'avais travaillé sur cette question pour un précédent livre, sur le fait que quand même, lorsqu'on fait de la paléanthropologie, qu'il y a peu de matériel et qu'on fait des mesures sur des os humains pour montrer les différences et les similitudes, ça me paraît parfois, quand il n'y a pas beaucoup de restes humains, un petit peu dangereux. Parce que qu'est-ce qu'une différence ? Qu'est-ce que la valeur d'un angle ? Qu'est-ce que la différence de mesure ? Vous savez très bien que le 19e siècle, malheureusement, a été marqué par une anthropologie qui a été quand même relativement radicale et raciste. Très raciste. Et donc, je pense que là, il fallait faire attention et que peut-être que les différences qu'on voit ne sont pas significatives d'une différence d'espèce. Alors, évidemment, ça a secoué le cocotier, si j'ose dire, quand on a dit, mais on a des gènes néandertaliens. Parce que là, il y a deux choses. Soit, en fin de compte, l'image des deux espèces séparées, Néandertal d'un côté et nous, elle tombe, parce que là, on ne voit pas à ce moment-là, parce que c'est quand même la notion d'espèce, c'est quand même le fait qu'on puisse non seulement se reproduire, mais avoir une descendance qui ne soit pas stérile. Et donc, si nous, on porte des gènes, ça veut dire quand même que ce n'était pas stérile. Donc, soit, en fin de compte, il y avait une vision, en fin de compte, basée sur une trop d'espèces définies à la base. Et qu'on va peut-être, certains préconisent ça, peut-être un peu même de façon assez étendue, de dire qu'il y a une grande espèce, bon, qu'on peut appeler sapiens, et à l'intérieur, une grande diversité. Et ça, depuis très longtemps. Il y en a qui, même les erectus, certains erectus, en tout cas. Donc, voilà, tout est chamboulé. Et là, il y a une vraie, une vraie discussion, une vraie dispute à la méthode d'Aristote pour voir un petit peu cette notion d'espèce. Marlène Patoumatis, dans votre livre, tout commence par Madame de Néandertal et la collecte des baies. Un vrai travail de femme. Oui, voilà. Et bien, on a voulu là aussi un petit peu secouer les baies. Parce que d'abord, premièrement, on parle très peu des femmes dans la préhistoire. Dans le sens, je ne parle pas des préhistoriennes. Je parle là vraiment des femmes préhistoriques. C'est très souvent une vision très masculine qui, pendant très longtemps, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, l'étude des préhistoriens était des préhistoriens et pas des préhistoriennes. Et donc, on avait toujours quand même une représentation du préhistorique très masculin. C'était lui qui taillait les outils, c'était lui qui peignait. Voilà, les peintres de Lascaux sont forcément des hommes. Et en fin de compte, tout ça basé sur rien. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune preuve archéologique qui montre que ce sont des hommes qui ont taillé les outils, qui ont peint. Alors vous me direz, on n'a pas de preuve non plus que ce soit la femme. Oui, mais n'empêche que pendant des années, des dizaines d'années, on a toujours montré des hommes. Voilà, quand on voit tous les représentations. Et donc je pense que là aussi, c'était évidemment une façon un petit peu humoristique de dire, mais attends, il y a Madame de Néandertal. Et je pense, moi, que Madame de Néandertal ne passait pas son temps à balayer la grotte. En tout cas, on connaissait bien sûr les tailleurs de silex, on connaît désormais les tailleuses. Elles chassent, elles piègent ? Voilà, alors je pense que là aussi, il y a quand même quelques données archéologiques qui montrent que cette séparation entre les tâches masculines et les tâches féminines, c'est peut-être aussi une vision basée sur un comparatisme avec les sociétés de chasseurs-cueilleurs subactuelles, parce que maintenant, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a presque plus, où il y avait cette division qui était bien ancrée et qui a eu une très très belle étude justement pour expliquer cette division des tâches avec le tabou du sang qui avait été montré par notre collègue Alain Testard, malheureusement trop tôt disparu. Justement, vous la faites chasser avec des armes perçantes qui font saigner les animaux ou alors, tout au contraire? Ben là on l'a fait participer à la chasse et c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas se servir vraiment d'une façon directe d'attitude de chasseur-cueilleur actuel pour ces chasseurs de la préhistoire. Parce que tous ces chasseurs-cueilleurs actuels ou subactuels ont une histoire. Ce ne sont pas des préhistoriques figés dans le temps. Donc ils ont construit leur identité, ils ont construit leur mythologie, leur comportement, leur tradition. Donc je me refuse parce que je pense que c'est une erreur au niveau scientifique de faire ce comparatisme direct. On peut s'inspirer. Et aussi une erreur ethnique. On ne peut pas se permettre de dire que ces chasseurs-cueilleurs actuels sont des primitifs, enfin des préhistoriques arrêtés dans le temps. Donc je pense qu'il faut repenser ça à l'aune de nouvelles découvertes et notamment de voir que ce soit des humérus de néandertaliens ou de néandertaliens, il y a toujours des muscles extrêmement développés pour le tir, par exemple, le lancer de javelot. Donc je pense qu'on peut tout à fait envisager, parce que rien ne prouve le contraire, que les femmes participaient à la chasse. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, Marie-Hélène Patou-Mathis, je rappelle que vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, l'auteur de Madame de Néandertal, publié aux éditions Nil. Nous voici au cœur de l'archéologie des genres, la gender archéology des mondes anglo-américains, un sujet largement débattu il y a une quinzaine d'années qui est tombé un peu en désuétude aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours, tout le monde s'appuie un petit peu sur ce qu'il peut trouver, qui va argumenter leur idéologie ou leur théorie dans un sens ou dans l'autre. Donc on va toujours récupérer à droite, à gauche. Mais je pense qu'il faut rester dans le domaine du plausible, de l'envisageable. Et c'est clair que dans des sociétés, du système des sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des prédateurs au sens de se produire sur la nature, et non pas des producteurs, ils n'ont pas domestiqué les animaux et les plantes, c'est vrai que là, ça demande une organisation qui est quand même basée sur un partage des tâches, mais où, en fin de compte, tout le monde, à mon avis, c'est un peu comme le couteau suisse, un peu multitâche. Et d'ailleurs, on voit que les outils aussi sont très couteau suisse, c'est-à-dire que avec les outils fabriqués à l'époque, on fait pas mal de choses. Donc je crois que c'était quelque chose qui était de fait parce que c'était le mode de vie qui nécessitait cette, en fin de compte, répartition des tâches, mais qui pouvait très bien changer à un moment donné si, par exemple, je ne sais pas, la personne a été enceinte, puisqu'on parle beaucoup pour les femmes, donc ne pouvait pas se déplacer très loin, etc., qu'elle restait à ce moment-là au camp, pourquoi pas. Et à un moment donné, par contre, elle pouvait y aller. C'est-à-dire que c'était en fonction de l'état, si j'ose dire, des personnes. En tout cas, l'univers néandertalien que vous décrivez est un monde solidaire, sans ennemis réels. L'homme et la femme semblent même cohabiter avec l'ours. Oui, c'est-à-dire que bon, c'est toujours mon vieux dada, si j'ose dire, pour un ours. Mais c'est vrai que là, ce qui était important aussi, c'est de montrer que ces hommes vivent dans la nature. Hein. Les néandertaliens vivaient dans la nature, de la nature, grâce à la nature. Et donc la relation à l'environnement et notamment aux animaux est tout à fait différente de notre perception, puisque nous, évidemment, maintenant, c'est complètement changé. Et donc c'est vrai que la proximité avec l'animal est beaucoup plus importante, une proximité réelle, mais aussi au niveau de la cosmogonie, au niveau de la pensée et de la relation à l'environnement. Donc je crois que là, c'était quelque chose, à mon avis, différent Bien entendu, nous n'avons pas une proximité telle qu'il va y avoir une domestication par les Néandertaliens, bien qu'on veut peut-être avoir des surprises. On va peut-être s'apercevoir qu'il y aura une domestication de certains animaux plus précoces qu'on pensait. Mais donc, il y a ça qui est quand même très, très différent de nous. Et la relation à l'autre. Tout à l'heure, on parlait de la relation à l'autre au niveau de l'histoire de la préhistoire. Mais aussi, je pense que là, ce mode de vie qui nécessite la coopération, la collaboration, parce que c'est une question de survie pour le groupe aussi. Donc on ne peut pas, si on ne le fait pas, on meurt. Et comme on est là, donc je pense que toutes ces sociétés qui nous ont précédés, donc ont vraiment réussi à maîtriser ça parce qu'ils avaient cet altruisme, entre guillemets. Un petit groupe de néandertaliens, c'est combien de personnes ? Bah, c'est-à-dire que si on se base sur ce qui est fiable, oh non, c'est plus que ça, si on base pour que ça soit à peu près viable, disons que c'est 30 à 50 personnes, tout le monde compris, c'est-à-dire les enfants, adultes et enfants. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que vous en faites un monde exogamique, les jeunes filles partent. Oui, alors là, c'était intéressant parce que c'était quelque chose qu'on pouvait supposer vu ce qui se passe dans différents groupes. Mais là, on a peut-être des témoignages au niveau génétique, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a eu une étude très intéressante à El Cidron sur un groupe de Néandertaliens qui était. On avait 11 corps, 11 squelettes. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, les femmes, c'est elles qui étaient venues dans le groupe. C'est-à-dire que les liens de parenté qui avaient été mis en évidence par la génétique montraient que c'est les femmes qui venaient dans le groupe. Donc voilà, c'est vrai, on a quelque chose de patrilocal, c'est-à-dire que c'est l'homme ne bouge pas et c'est la femme. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on bouge ? C'est-à-dire qu'on est locuteur. Alors par exemple, on peut très bien imaginer que la femme est à la fois porteur de la langue et porteuse aussi donc des traditions de l'autre. Toutefois, on vit chez le père ou la mère ? La mère. Ben oui, c'est-à-dire qu'on vit. Pas de père. Voilà, il n'y a pas exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas la raisonner entre le système de la famille tel que va le mettre en place Rome, la période antique, la période romaine. Donc là, on a quelque chose de différent. Et là aussi, je pense que c'est de l'ordre du raisonnable parce que c'est une question de survie. Parce que. Il est important qu'il y ait pas mal d'enfants, parce que la mortalité infantile était importante, probablement plus que chez les Néandertaliens, la mortalité des femmes au moment des naissances devait être assez élevée aussi. Il n'y a pas une seule femme qui dépasse 36 ans, alors qu'on a des hommes Néandertaliens de 45, probablement qu'il y avait une mortalité en couche assez élevée. Et tout ça fait que, ben, on a intérêt quand même à essayer de multiplier les expériences pour que, voilà, qu'il y ait de la descendance. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que ce que l'on envisage dans ce roman avec Pascal Leroy, c'est de montrer qu'il y a cette possibilité d'aller un peu avec tout le monde. Tout le monde va avec tout le monde et c'est pas mal. En tout cas, oui. En tout cas, nous sommes ici dans un monde sans propriété, dans un monde de partage. Oui, ben là aussi, je pense que c'est le type de système qui veut ça. Mais même chez nous, regardez dans notre histoire, regardez dans les familles où des fois, en déplacement, en migration, on a peu de biens, etc. On a tendance à tout à partager. Donc c'est quelque chose qui est propre à ce type de vie collective. En tout cas, je rebondis sur ce que vous disiez, Marie-Hélène Platou-Mathis. Les Néandertaliens sont-ils des bêtes ? Oui, eu égard à ce qui se passe au vu de tous. Et ne parlons pas donc de la réconciliation qui pourrait rappeler celle des singes bonobos ? Oui, mais moi je pense que c'est quand même plus intéressant d'avoir une réconciliation du type bonobo que du type chimpanzé, parce qu'on sait très bien que les chimpanzés mâles ne sont pas toujours d'humeur égale et sont plutôt assez violents. Alors que les bonobos, en particulier les femelles, ben, quand ça ne va pas bien, au lieu de donner un coup, elles donnent un baiser, si j'ose dire, et voire plus si affinité. Donc je pense que ça, c'est quand même plus pour régler les conflits, je pense que ça serait. On devrait en prendre de la graine, si j'ose dire. En tout cas, sommes-nous dans un rousseauisme primitif ? Non, je pense qu'il faut faire justement, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que Pascal, qui a eu plein d'idées, plein d'inventions à partir de ce que je lui donnais comme document sur la vie supposée donc des Néandertaliens, on a voulu remettre aussi ce que montrent les données archéologiques, notamment le cannibalisme. Je veux dire, il y avait probablement aussi des querelles interpersonnelles. Là, dans le roman, il y a Brandon, et Brandon, c'est quand même la brute épaisse. Hein. Donc voilà, il y avait de tout, comme dans tout groupe. Il y a des plus savants, il y a les plus brutaux. Il y a du cannibalisme, parce que bon, j'ai beaucoup, comme vous le savez, travaillé sur le cannibalisme. Ça existe, Crapina, etc. Donc il ne faut pas se cacher, il faut pas. Voilà, il y avait du cannibalisme. Bon, on n'a pas voulu faire une scène trop extravagante, mais il y avait du cannibalisme. Cannibalisme, bien sûr, rituel funéraire, mais aussi du cannibalisme alimentaire. Donc, tout ça montre que non, c'est une vie où qui n'était pas facile. Il y avait avait des coups, des bosses. Voilà, c'était pas une vie facile, mais c'est pas non plus la vie de sauvage comme on a imaginé pendant des années, quoi. Le pauvre Néandertalien, non, c'est pas la brute épaisse. Il n'était pas en train de cogner sa femme tous les quatre matins et tiré par les cheveux. En tout cas, pas d'inceste dans la famille Néandertal. En revanche, la sexualité est aussi l'initiation et le passage à l'âge adulte. Là aussi, c'est vrai que c'est une interprétation. On n'était pas là pour voir ce qui se passait. Mais il est clair que ça devait être un moment très important, comme on voit dans toutes les mémoires et dans notre mémoire à nous. Parce que ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que je pense que plein de comportements que nous avons s'enracinent très très loin. Et donc je crois que c'est intéressant aussi quand on travaille, quand on essaye de se remettre un peu en scène ces moments lointains, de voir que bon, on n'est pas sorti ex nihilo. On a tout ce passé en nous. Tout ça, c'est dans nos gènes, évidemment. On n'en a pas conscience. C'est dans l'inconscient. Mais tout ça nous a forgé. C'est-à-dire que, et je pense qu'il y a des choses qui sont des choses très importantes chez les animaux. Et nous, nous sommes bien sûr un animal. Et donc chez nous, sur notamment la relation à l'autre dans l'acte sexuel. Et c'est clair que ces moments-là sont très importants, à la fois pour la personne, pour l'individu, hein, de passer de l'enfant à l'âge adulte, mais aussi pour le groupe et aussi pour l'espèce. La guerre du feu décrivait déjà un de ses premiers contacts. Toutefois, Marie-Hélène Patoumatis, comment vous imaginez-vous cette première rencontre entre néandertaliens et hommes modernes ? Alors déjà, si on prend l'archéologie, je pense que c'est toujours un vrai débat encore chez nous, parce que il y a quand même encore des questions. Je parle là en Europe, hein. Bon, moi, je fais partie de ceux, des préhistoriens, qui pensent que peut-être qu'il y a certains Néandertaliens qui ont rencontré certains sapiens. Mais je pense peut-être qu'il y a d'autres Néandertaliens, notamment ceux qui étaient en France, qui étaient à l'extrémité de l'Europe, peut-être qu'ils n'en ont jamais vu. Bon, donc il y a débat, il y a discussion. Mais là, ce qu'on a voulu montrer, c'est, on va supposer qu'ils se sont rencontrés. Et moi, je pense que c'est arrivé dans certaines parties de l'Europe, et qu'on peut envisager quelque chose un peu différent. Parce que ce qui m'énervait aussi, quelque part, c'est toujours cette vision que le sapiens, il arrive, et le pauvre Néandertalien, vous savez, ça me rappelle les Indiens d'Amérique avec les conquistadors, et ils voient arriver quelqu'un, ils voient dire « Oh là là, c'est formidable, nous on est zéro, lui il est formidable. » Et moi j'ai voulu inverser, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est peut-être les Néandertaliens ont dit « Mais attends, c'est quoi ?» Voilà, ils ont peut-être trouvé très moche en plus. Justement, oui. Comment les Néandertaliens nous ont-ils perçus ? Ben voilà. On a juste un menton, pas de bourrelet. Voilà, c'est-à-dire exactement qu'est-ce qu'ils ont vu arriver ? Ils ont vu arriver leurs enfants. Hein, sauf qu'ils étaient très grands, donc ils ont vu arriver leurs enfants, leur tête d'enfant sur un corps d'adulte. Donc c'est déjà un peu surprenant. Et il faut bien aussi se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que ces sapiens qui arrivent, ils sont quelques groupes, quelques personnes, c'est pas une déferlante sur l'Europe. Donc voilà, ils voient ces personnes qui leur ressemblent, mais pas tout à fait. Et je pense, je me mets à la place des Néandertaliens. Je pense qu'au départ, ils n'ont pas forcément trouvé beau cette notion de dire « Oh là là, mais ils sont moches, on dit les Néandertaliens sont moches, mais sur quoi on se bat ? C'est ridicule. » En tout cas, nous sommes bruns, curieusement, et les Néandertaliens sont roux. Voilà, ils sont roux et ils sont beaucoup plus blancs que les sapiens qui arrivent en Europe. Les Néandertaliens vivent en Europe depuis 300 000 ans, plus de 300 000 ans, 350. Et vraiment, ils sont montrés en plus maintenant par les jeunes, ils sont blancs. Et les sapiens qui arrivent, et eux, ils sont plus basanés. En tout cas, Marie-Hélène Patoumatis, dans ce roman de grotte, l'amour n'est-il pas le plus fort ? Celui qui fera que nous avons tous un peu de néandertalienne en nous ? Oui, je pense que c'est un peu notre souhait, Pascal Leroy et moi, c'est-à-dire d'avoir mis dans ce roman aussi beaucoup d'humanité. Parce que, comme vous le savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est que ça fait partie d'une humanité différente, une humanité bien sûr néandertalienne, et nous sommes sapiens, mais ces différences ne montrent pas de hiérarchie, ne sont pas inférieures mais ni supérieures à nous. Donc c'est vrai que peut-être qu'aussi à travers la femme, on peut faire passer plus de choses. Marie-Hélène Patoumatis, je rappelle le titre de votre livre, écrit avec Pascal Leroy, Madame de Néandertal, publié chez Nil. La semaine prochaine, un peu de violence, puisque l'on trépane avec Alain Benex. On parlera bien sûr de médecine préhistorique. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique d'Ali Yoha, attachée d'émission Catherine Donnet.